les suivre au bout du monde pour qu'ils y posent un jour. Leur sac, mais comme ils courent toujours, des guitares sonnent. Chaque coin de rue, y a tant de gens qui traînent leur...